Chapitre 5. Se tromper de roi. Imaginez que vous partiez au travail le matin, puis que vous rentriez le soir pour découvrir que votre famille ne vous reconnaît plus, que vous lui êtes étranger. Ou imaginez que vous vous rendiez à une réunion de famille et que vous vous rendiez compte que personne n'a la moindre idée de votre identité. Espérons que jamais rien de ce genre ne vous arrive. Mais c'est ce qui est arrivé à Jésus. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Jean 1, 11, 12. La Bible en français courant le dit de la façon suivante. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'était déjà assez révoltant que le monde n'ait pas reconnu Jésus quand il est venu sur cette terre. Après tout, il était son créateur, qu'il le reconnaisse ou non. Et il n'était pas venu pour sauver uniquement les siens, mais le monde. Oui, c'était déjà assez abominable que le monde ne l'ait pas reconnu. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, les siens l'ont rejeté. Bien que Dieu ait communiqué au moins 300 prophéties spécifiques annonçant que Jésus viendrait, son peuple l'a rejeté. Mais pas tous. Notons-le à nouveau. Depuis le commencement, une lignée ininterrompue de fidèles est restée attachée à Dieu, lui a été fidèle et l'a aimé. Et depuis le début, elle a fait partie de la minorité. Elle a constitué le petit nombre de ceux qui trouvent et s'engagent sur le chemin étroit qui monte vers la vie. La grande majorité a pris la voie large qui descend vers la destruction. Certains pourraient en conclure que si, à la fin de l'histoire de ce monde, seul un petit nombre est sauvé et connaît la vie éternelle, alors que la grande majorité est finalement détruite, alors c'est que Satan a gagné et que Dieu a perdu. Il est vrai qu'à la fin de cette terre et au début de l'éternité, au regard des milliards d'individus qui ont vécu sur la terre, ceux qui seront sauvés ne formeront qu'une minorité. Mais souvenez-vous de ces trois choses. 1. La vie et la mort rédemptrice de Jésus donnent librement accès au salut à quiconque. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. 2 Pierre 3:9. Ainsi Dieu ne choisit pas certains pour les sauver et d'autres pour les perdre. Chaque individu, faisant usage du libre choix que Dieu a donné dès la création à tout homme et à toute femme, décide finalement de sa propre destinée. 2. La fin de la grande controverse entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, n'est pas encore arrivée. Au cours de la dramatique épreuve de force finale, avant le retour de Jésus, une vaste multitude va se joindre aux fidèles disciples du Christ. Certains vont changer de camp et quitter celui de l'ennemi. Ceux qui ont essayé de ne pas choisir vont faire leur choix. Nous ne pouvons pas dire maintenant que la minorité qui sera finalement sauvée sera pitoyablement peu nombreuse. Après tout, Jean n'a-t-il pas vu dans le ciel une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Apocalypse 7:9. 3. Finalement, le prophète Ésaïe a dit qu'à la fin de la controverse, Jésus lui-même verra. Il sera rassasié par sa connaissance. Ésaïe 53:11. Il considérera sans regret l'énorme sacrifice consenti pour sauver les hommes et les femmes, toutes les souffrances qu'il a endurées, et même sa mort. Ainsi, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que les fidèles disciples de Jésus soient et aient toujours été peu nombreux. Et quand Jésus est venu sur cette terre pour accomplir les promesses et les prophéties, ceux qui l'ont véritablement suivi ont été si peu nombreux que la Bible a pu dire avec raison que les siens, la nation qu'il avait choisie pour le représenter sur la terre, ne l'ont pas reçu. Comment cela se peut-il? Des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Ils disposaient des prophéties. Dieu s'est assuré qu'il ne leur manque aucun détail sur la venue du Christ. Mais une longue et répétitive apostasie a aveuglé les yeux de la nation choisie par Dieu, en particulier de ses leaders. Ils avaient des yeux pour lire, mais ils n'ont pas su voir. Ils avaient des oreilles pour entendre les prophètes, mais ils n'ont pas écouté. conduit par le même esprit que celui qui a poussé Lucifer à s'exalter lui-même. Ils furent remplis d'un immense désir de devenir une nation tellement grande qu'elle puisse dominer et tenir sous sa sujétion toutes les autres nations. Mais la grandeur nationale que Dieu voulait leur donner était celle du service, non celle de la domination militaire. Oui, Israël croyait en un Messie à venir, mais il a imposé aux prophéties concernant sa venue ses propres préconceptions conformes à ses désirs. Il ne voulait pas et ne s'attendait pas à voir un Messie pauvre et humble, né dans une étable de parents trop pauvres pour payer le prix d'une chambre. Non, il voulait un roi conquérant, un chef militaire qui le délivrerait de l'oppression détestable des Romains. Il faisait erreur sur le Messie et manqua donc sa venue. Mais ce ne fut pas le cas de tous. Certains ont attendu le vrai roi. Un ange est apparu à d'humbles bergers et leur a annoncé la naissance du Christ. Remplis d'une crainte respectueuse, les bergers sont allés voir le roi nouveau-né. Des mages d'Orient ont vu une magnifique étoile dans la nuit du ciel et l'ont suivi jusqu'au lieu de naissance du Christ pour l'adorer. Et tout au long de sa vie sur cette terre, quelques-uns ont cru en Jésus et l'ont suivi. Ses parents, Jean-Baptiste, et tous ceux qui ont répondu à sa prédication, Marie, Marthe et Lazare, les 12 apôtres, les innombrables honnêtes gens en Israël qui ont entendu l'enseignement de Jésus, ont vu ses miracles et se sont ouverts à l'action du Saint-Esprit. Eux aussi ont pris place dans la chaîne ininterrompue des fidèles. Et quand la vie et le ministère de Jésus ont atteint leur sommet, un sombre vendredi, sur une croix hideuse, seule une partie de la foule bruyante a demandé sa mort. Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus, et ses pas l'ont conduit du côté de la justice, de la vérité et du salut. Un soldat romain a choisi de quel côté il voulait se placer. À côté de Jésus, un brigand a pris la même décision. Comme l'ont fait nombre de personnes de la foule, qui faisaient monter sa clameur au pied de la croix. Qui peut savoir, si ce n'est Dieu lui-même, combien ont fait leur choix pour le Christ durant sa vie sur la terre? Un jour, nous saurons, et nous serons sans doute surpris quand nous le découvrirons. Quand Jésus eut achevé ce pourquoi il était venu sur la terre, la Bible dit qu'il est retourné au ciel à la droite de Dieu le Père. Mais avant de quitter la terre, il a voulu établir un nouvel Israël d'un type particulier. Cette fois, au lieu de choisir une seule nation, il a ouvert cet Israël nouveau et spirituel à quiconque, invitant chaque homme, femme et enfant à le suivre. Jésus a voulu établir son Église et ses disciples ont porté son nom, se faisant connaître comme chrétiens. Au travers de son Église, Jésus a voulu affermir et étendre la lignée des fidèles pour l'avenir. Son Église devait se maintenir depuis son ascension jusqu'à son retour. L'Église a débuté par un succès miraculeux. Des milliers se sont convertis en un jour. La vérité et l'amour de Jésus se sont répandus sur la terre comme un feu de brousse. Mais comme ce fut le cas pour Israël, l'Église a connu l'opposition de Satan. Elle fut infiltrée par l'erreur. Elle se compromit avec le monde. Elle glissa vers l'apostasie, l'idolâtrie et l'hérésie, jusqu'à ce que, à nouveau, seuls quelques fidèles subsistent à l'intérieur de ses frontières. Il peut être triste, même déprimant, de relire l'histoire d'Israël et de voir à quel point rapidement il s'est écarté du merveilleux plan de Dieu pour lui. L'histoire du second Israël de Dieu, son Église, peut tout autant faire réfléchir quand on parcourt ces écarts répétés de son projet pour elle. Mais notez-le bien, aux heures les plus sombres, au plus profond de son apostasie, il y a toujours eu quelques fidèles en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et l'histoire de l'Église montre qu'au sommet de sa corruption, il y a toujours eu quelques fidèles qui ont suivi Jésus avec une foi inébranlable. Revenons à la naissance de l'Église chrétienne et suivons-la dans les premières décennies de son existence. Et si nous découvrons, comme nous allons le faire, que peu après sa fondation, l'Église a déraillé au cours du temps et a sombré dans l'apostasie. Alors, au lieu de nous lamenter sur cette tragédie, découvrons et célébrons les quelques fidèles qui ont tenu ferme pour la justice, quoi qu'il arrive. car ce sont nos ancêtres spirituels. Ils constituent les solides anneaux de la chaîne ininterrompue, dont nous pouvons nous aussi faire partie. Tandis que vous lisez ces lignes, la population du monde entier, soit 6,5 milliards d'individus, se range d'un côté ou de l'autre du grand conflit. Par un choix déterminé ou passivement, une tragique majorité a choisi le mauvais côté. Mais Dieu a ses partisans, en ce moment même. Ils l'aiment avec ferveur. Ils ont à cœur de lui obéir. Ils prendront position pour la vérité et défendront son caractère jusqu'à leur dernier souffle. Avez-vous choisi sans détour de quel côté vous êtes dans cette grande controverse? Sinon, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas faire de ce jour celui de votre choix? Et si vous l'avez fait, ce jour peut être celui où vous faites savoir au monde et à l'univers entier où vous vous situez exactement. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus. Et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.